souvenir qui reste et l'oubli reste. Ces moments assez bleus qu'on a vécu ensemble, un destin qui nous ressemble. Pourtant un jour on s'est quitté pour ne plus rien. Nos pensées se sont envolées, notre vie a continué. Un jour, une nuit, un baiser, un regard, j'ai su parler.